Je me suis réveillé frigorifié. Il était exactement 3h du matin. 3h du matin, c'est l'heure où les démons se mettent à l'œuvre. C'est une manière pour eux de narguer la Sainte Trinité. C'est l'inverse de 3h de l'après-midi, l'heure des miracles, qui est traditionnellement considérée comme l'heure de la mort.